tu ne me regardes plus. Quel est ce jeu, je n'en peux plus. Depuis ce soir, ce fameux soir, cette soirée trop arrosée, cet accident, ce brouillard. J'aurais pas dû prendre le volant, je regrette tant. Mais ne m'en veux pas, grâce à Dieu on est là. Plus de peur que de mal, viens prends-moi dans tes bras. Car mon cœur j'ai si froid, réchauffe-moi, j'ai trop besoin de toi. Aujourd'hui, où sont nos rêves? Et maintenant, dis-le-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Mais où on va? Tu me caches quelque chose. J'en suis sûre, tu me trompes. Ton visage me le montre. Dis-moi à qui tu apportes ces beaux bouquets de roses. Tous les jours à la même heure, tu te parfumes et tu sors. Si tu me vois, si tu m'entends, en tout cas, je suis là.